إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 45 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, le charh de Cheikh Zayd al-Madkhali. Et donc on est encore dans le deuxième fondement. Le deuxième fondement, c'est au sujet de la religion de l'islam et ses preuves. On a expliqué les trois degrés de la religion, al-islam, al-iman, et là on est dans al-ihsan. On explique al-ihsan, les différents aspects de la religion qui sont reliés à يعني الإحسان. Et là on a parlé au dernier cours de al-wala wal-bara, c'est-à-dire le fait d'aimer, de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la position envers les gens de la bid'a. Et donc là on est en train de parler de ça, de l'attitude qu'on doit avoir envers les gens de la bid'a en particulier. Et donc le shaykh il dit وأذكر عبارة قالها رجل إخواني مؤلف رجل إخواني مؤلف اسمه جاسم المهلهل في كتابه جلسات مع كتاب وقفات للدعاة فقط وهو يرد على محمد ابن سيف العجمي أثابه الله الذي نصر منهج السلف ورد على المبتدعين هذه العبارة هي قول جاسم المهلهل وإن منهج الإخوان لا يرفض أي شخص لا يتقيد بنظامه وإن كان من أروع الناس علما وعملا ومن أخشعهم في الصلاة يعني أن الذي يقوم بهذه الطاعات ولكنه لا يتقيد ببنود منهج الإخوان المسلمين الذين خططوا له ورتبوه على غير منهج الحق في جل بنوده إذن إنه لم يطبق في هذا المنهج الإخواني قاعدة الولاء والبراء بحق بل عكست فيه القضية فقد يوالي في المنهج الإخواني من لا يستحق الولاء ويعادى أو يعادي فيه من لا تجوز معادته أو معاداته نعوذ بالله من تصرفات الحمقى. Donc le cheikh il dit, je vais vous mentionner une expression qui a été mentionnée par un auteur ikhwani qui fait partie de la secte des frères musulmans qui s'appelle Jasim al-Muhalhal dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Jalassat ma'a kitab waqafat lid-du'at faqat. Donc lui, Jasim al-Muhalhal, c'est un ikhwani, il a écrit un livre pour répondre à un salafi qui a écrit un livre qui s'appelle Les Du'ad Faqat. Il y a un ikhwani, je ne sais pas de quel pays il vient, mais il a répondu à un salafi qui s'appelle Sheikh Mohammed ibn Saif al-Ajmi. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Du'ad Faqat. Alors lui, Jasim al-Muhalhal, il a écrit une réponse à ce livre-là qui s'appelle Jalassat ma'a kitab waqafat Les Du'ad Faqat. Et donc le cheikh qui a écrit le livre, le cheikh salafi qui a écrit le livre à la base, il a défendu le manhaj des salafs et il a réfuté les gens de bid'a. Et Jasim al-Muhalhal, le ikhwani qui le réfute, a dit lui dans sa réponse, il a dit que le manhaj des ikhwan refuse toute personne qui ne se limite pas au système des ikhwan. C'est-à-dire que les frères musulmans, dans leur organisation, dans leur groupe, ils refusent toute personne qui ne se limite pas à leur système à eux. que Hassan al-Banna a inventé. Et il dit, même si c'est la personne la plus pieuse dans sa science et dans sa pratique religieuse, et même si c'est la plus humble dans sa prière. Donc ça veut dire que pour eux, les Ikhwan, si quelqu'un, même si c'est le plus pieux, même si c'est le plus savant, même si c'est le plus yani, pratiquant, qui pratique comme il faut, qui applique comme il faut la religion, s'il ne se limite pas aux règles et au système de la secte des frères musulmans, ils ne le considèrent pas comme quelqu'un qui yani, peut faire partie de leurs membres. Ils vont le refuser. C'est ça que ça veut dire. Ils vont le rejeter. Et donc, le cheikh, il dit, donc ça veut dire que pour ces gens-là, yani, il y a cette obéissance à le, au groupe et à l'organisation des Ikhwan. Il faut obéir et se limiter au système et aux règles de, des frères musulmans et de leur secte que leurs fondateurs ou que leurs chefs ont yani, dessiné et yani, organisé ou yani, inventé pour eux. Yani, et donc, il ne, yani, c'est quelque chose qui est en dehors du manhaj de la vérité pour eux. C'est-à-dire, le fait de se limiter au Coran et à la Sunna, c'est pas, pour eux, c'est pas ça la base. C'est de se limiter, c'est-à-dire, c'est de, ouais, c'est ça. Même si tu, même des fois, si tu suis le Coran et la Sunna et que tu te limites au Coran et à la Sunna, yani, eux, ils vont te limiter. Ils vont te refuser ou te rejeter pour ça, justement. Parce que tu vas les réfuter ou tu vas les critiquer ou tu vas leur désobéir dans leurs principes. Et il dit donc, ça veut dire que pour ces gens-là, celui qui n'applique pas le manhaj des frères musulmans, non, plutôt celui qui a... Non, c'est ça. Cheikh, il dit, ça signifie que les frères musulmans n'appliquent pas la règle de al-wala wal-bara correctement ou en vérité. Ça dit que pour eux, il n'y a pas le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Il n'y a pas ça. Eux, ils renversent les choses, ils mettent les choses à l'envers. Ils peuvent aimer, yani dans le manhaj ikhwani, celui qui ne mérite pas qu'on l'aime ou qu'on s'allie à lui, et ils peuvent détester celui qu'on n'a pas le droit d'aimer. Ils peuvent détester celui qu'on n'a pas le droit de détester. C'est-à-dire celui qui est salafi, eux ils le détestent alors que c'est pas supposé. Et yani, s'il est sur le tawhid, la sunna, ils le détestent alors qu'ils sont supposés de l'aimer. Et celui qui est mubtadi, égaré, hein, mais qui est avec eux, ils l'aiment alors qu'ils ne devraient pas l'aimer ou ils devraient le détester. Donc c'est une wala à l'envers et une bara à l'envers. Ils détestent ceux qu'ils doivent aimer, puis ils aiment ceux qu'ils devraient détester. Le cheikh dit, نحن نحذر دائما إخواننا وأبناءنا من هذه الكتب التي هي نتيجة أفكار وتخطيط وملابسات أحاطت بالقوم وغايات أرادها القوم سواء كانوا تبليغيين أو إخوانيين أو غيرهم من أهل التنظيمات والسريات وما شكل ذلك من أنواع الانحرافات. نعم إننا نحذر أنفسنا ونحذر أبناءنا وإخواننا ونربطهم نصحا لهم بكتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وبمنهج السلف الصالحين في دعوتهم وولائهم وبرائهم على ضوء الكتاب والسنة. هذا هو الحق. فمن أحب فمن أحب لنفسه أن يمشي في صراط مستقيم فليرضي الرب الرحيم ولينقذ نفسه من عذاب الله ومقته وسخطه. Le cheikh il dit, donc nous on a toujours averti nos frères et nos fils à propos de ces livres qui sont le résultat des idées et des plans et des mélanges, yani des confusions de ces gens-là, parmi les gens d'égarement qui ont d'autres objectifs et d'autres buts, hein, peu importe que ce soit des tablériens, des gens de tablir, ou des ikhwan, ou d'autres, parmi les gens qui suivent des organisations et des groupes secrets, hein, des organisations secrètes ou des groupes secrets, ou toute autre forme de déviation. Et il dit, oui, nous mettons en garde nous-mêmes ainsi que nos fils et nos frères, et nous les rattachons par sincérité pour eux, nous les rattachons au livre d'Allah avec la compréhension correcte et à la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam également, et on les rattache également à la méthodologie des salaf al-salih, c'est-à-dire la méthodologie des pieux prédécesseurs dans leur façon de faire la da'wah, dans leur amour pour Allah et dans leur haine pour Allah, et selon la lumière du Coran et de la Sunna. Et c'est ça la vérité. Donc celui qui veut pour lui-même marcher sur le droit chemin, alors qu'il cherche la satisfaction de son Seigneur, et qu'il se sauve lui-même, qu'il sauve son âme du châtiment d'Allah et de sa colère et de sa haine, et donc فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَرَسَّمْ خُطَى مَنْهَجَ السَّلَفَ الصَّالِحِ لِأَنَّهُ مَنْهَجٌ رَبَّانِي وَمَنْهَجٌ نَبَوِي وَمَنْهَجٌ سَلَفِي مَأْخُوذٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا يَعْدِلُ وَلَا يعدل عن هذين المصدرين الكريمين يمنة ولا يسرة ولا يسرة فالعدول عنهما انحراف عن جدة الحق وسبيل الصواب. Donc le cheikh il dit, donc celui qui veut le droit chemin, qui veut s'écarter de la colère d'Allah, eh bien qu'il suive la voie qui a été tracée par les salaf al-salih, qui est une méthodologie divine. Et qu'il s'accroche et qu'il suive la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la méthodologie salafi, c'est-à-dire des salafs, des pieux prédécesseurs. Elle est tirée, cette méthodologie, du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de s'en détourner, de se détourner de ces deux sources, de ces deux nobles sources, que ce soit à droite ou à gauche, tu t'en détournes. Eh bien, ça veut dire que tu as dévié du droit chemin, de la droiture, de la vérité et du chemin qui est correct. وهكذا أيضا الإحسان في السنن التي هي دون الفرائض يعني سنن الصلاة الراتبة وغير الراتبة وسنن الذكر بأن يكون على الوجه الشرعي لا ذكرا صوفيا ولا غفلة عن الذكر وهكذا في الصدقات النافلة ثم في طلب العلم والتوسع فيه ونشره ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة ولا يكون العبد محسنا في ذلك إلا إذا أخذ ما ذكر من العبادات من كتاب ربه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة ودرج على ما عليه سلفنا الصالح الذين فهموا هذا الدين حق الفهم وما أشكل من الأمور ذات الخلاف التي يصوغ فيها الخلاف تبحث بواسطة العلماء الربانيين الذين إذا اختلفوا في مسألة ما من مسائل الشرع والدين ردوا ذلك إلى الكتاب والسنة امتثالا لقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وامتثالا لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وإلى سنة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته وإلى سنته الكريمة الصحيحة بعد مماته في الكتاب والسنة وفي الكتاب والسنة حل لكل مشكلة ولكل قضية لأن الله عز وجل شرع هذا الدين ليكون للأمة جمعاء إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرفع هذا العلم إلى الله الذي أنزله. Donc le cheikh il explique que également on doit faire preuve de ihsan, c'est-à-dire d'excellence et de perfectionnement dans les sunan, c'est-à-dire dans les actes surérogatoires que tu fais, qui ne sont pas obligatoires, dans les sunan de la salat, par exemple, les rawatib, qu'est-ce qu'on appelle al-rawatib? Al-rawatib, c'est quoi? C'est les prières surérogatoires qui sont prescrites avant ou après les prières obligatoires. Rawatib, c'est le pluriel, et le singulier, c'est al-ratiba. Al-ratiba. Oui, salat al-ratiba, et le pluriel, rawatib. Ok? Et les sunan du dhikr aussi, les aspects surérogatoires du rappel, hein, c'est-à-dire que tu fasses ton dhikr selon la façon qui a été prescrite par la sharia, et non pas le dhikr des soufis, hein, comme on en a souvent parlé, le dhikr des soufis qui font du dhikr avec des chants, ou avec des mouvements, ou avec des gestes, ou avec des danses, ou qui prescrivent un nombre spécifique de rappels qui n'a pas été mentionné ni dans le Coran ni dans la Sunna, ou qui donne des valeurs et des récompenses à un dhikr en particulier, alors que cette récompense n'a aucune preuve à son sujet, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Tout ça, c'est des exemples, ou qui font le dhikr en groupe, à l'unisson, hein, ensemble. Ils font le dhikr en groupe, puis ils le font tous en même temps, pareil, hein, à haute voix et à l'unisson. Tout ça, c'est des exemples de bid'a dans le dhikr que font les soufis. Hein. Et également, tu ne dois pas faire ton dhikr de manière inconsciente ou indifférente. Comme si tu fais ton dhikr, tu demandes à Allah, mais tu y mets pas ton cœur. Tu le dis comme si tu n'es pas vraiment concentré. Donc ça aussi, ce n'est pas correct dans le dhikr. Tu dois faire ton dhikr avec concentration et avec humilité, avec piété. Il faut que quand on fait le dhikr, qu'on soit présent de notre cœur. Ce n'est pas suffisant juste de dire le dhikr avec la bouche ou la langue, puis que ton cœur n'est pas présent ou conscient lorsque tu le dis. Hein? Donc, il faut vraiment que ce soit des paroles et des choses que tu dis avec intention puis sincérité et concentration. Il y a des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquent que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le dua de quelqu'un qui le fait avec un cœur insouciant. Hein? Donc celui qui fait un dhikr ou un dua avec un cœur insouciant, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas ça, il n'aime pas ça. Et même, je pense que c'était Abu Huraira ou Abdullah ibn Abbas, je pense que c'est Abdullah ibn Abbas, il a rapporté que l'homme, il n'aura de sa prière que ce qu'il s'est souvenu durant sa prière. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans ta prière, tu vas avoir la récompense de ce que tu t'es souvenu de ça. C'est-à-dire, tu fais avec concentration et tu es conscient de ce que tu fais. Toutefois, si tu fais juste faire les mouvements, et après tu finis ta prière, tu dis, qu'est-ce que j'ai récité dans la première rakat comme verset, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit dans la deuxième rakat. Qu'est-ce que j'ai récité? T'étais pas présent dans ta salat, t'étais pas conscient avec ton cœur. Ça arrive, oui. Mais c'est pour nous dire qu'il y a des exemples de la prière, quand on la fait comme ça, on n'aura pas vraiment la pleine récompense de notre prière à cause de ça. Malheureusement. Le cheikh, il dit également, et juste pour vous donner un autre exemple avant de passer à quelque chose d'autre, mais aussi, tu sais, comme on fait le dhikr après la salat, on fait 33 fois subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, eh bien il y en a qui le font mais avec aucune concentration du tout, ils font juste faire rapidement, le plus rapidement possible, comme si c'était le but, c'était de finir, et en même temps aussi ils le disent sans aucune concentration, et ça, bien entendu, c'est pas correct non plus. Le cheikh, il dit ensuite, de même que les aumônes surérogatoires, c'est-à-dire les aumônes que tu fais volontaires, qui sont pas la zakat obligatoire, par exemple, ou des choses comme ça, ça aussi c'est quelque chose, une chose que tu dois faire avec ihsan, aussi la quête de la science, ça aussi c'est important, le fait de s'approfondir dans la science et de la propager en recherchant l'agrément d'Allah, sa satisfaction dans la dunya et dans l'au-delà, dans ce monde et dans l'autre. Tout ça, c'est des exemples. Il dit également que le serviteur, il doit faire preuve de ihsan, c'est-à-dire faire preuve de perfectionnement et d'excellence dans son adoration. Donc c'est ça, le serviteur ne va pas être perfect, ne va pas parfaire ses adorations et les faire avec excellence, excepté s'il les fait comme elles ont été mentionnées dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, authentique, et yani qu'elle est faite à la manière aussi, c'est-à-dire selon qu'est-ce que nos salafs salih ont compris comme il faut de la religion. Et s'il y a des choses parmi ces choses-là qui ont été compliquées ou difficiles à comprendre, ou des choses dans lesquelles il y a des divergences qui sont permises, parce que c'est des divergences d'ijtihad ou des choses comme ça, de différence de compréhension dans les textes entre les ulama, entre les mujtahidines, alors dans ce cas-là, yani, tu fais la recherche à travers les ulama, yani, les ulama éducateurs et qui retournent aux preuves, tu cherches avec eux pour savoir, yani, dans ces questions-là, yani, qu'est-ce qui est correct, dans ces différentes questions-là dans lesquelles il y a des divergences dans les questions de la religion. Et tu leur envoies, hein, comme eux ils le renvoient au livre d'Allah et à l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Et si vous divergez en quoi que ce soit à son sujet, eh bien ramenez-le, son jugement appartient à Allah. Donc, si vous divergez en quoi que ce soit, alors son jugement, yani, il appartient à Allah. C'est le verset 10 dans Surah Shura et le verset 59 dans Surah An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. In tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Donc le cheikh il dit imtithalan li qawlillah, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul ay ila kitabillah. Donc c'est ça. Donc c'est pour suivre l'exemple de ce que Allah a dit dans sa parole. Si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la sunna, ou plutôt au messager durant sa vie et à sa sunna authentique après sa mort. OK? Et il dit, et dans le Coran et dans la sunna, il y a la réponse à tous les problèmes et à toutes les questions, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette religion pour qu'elle soit pour toute la umma, pour toute la, yani, toute la nation et toute la umma, jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier et jusqu'à ce que la science soit ramenée ou reprise par Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il l'avait fait descendre. Il va la ramener vers lui à la fin des temps. Donc ça c'est juste pour dire que yani, ça c'est cette science, elle va, yani, cette religion, elle doit être suivie telle qu'elle jusqu'à la fin des temps. C'est pas comme certains qui disent par exemple: ah, ça y est, maintenant on est à l'époque moderne et il faut changer la religion pour qu'elle soit en accord avec les idées de notre époque, hein. Ceux qui veulent interpréter l'islam selon la philosophie ou les idéologies des koufars aujourd'hui, eh bien ça c'est totalement rejeté. Exactement. Malgré tout ça, comme tu dis, Isa ibn Maryam va tuer le Dajjal, hein, à la fin des temps avec l'épée. Donc ça c'est un exemple. Et après il dit, le cheikh il dit ensuite, هذه حقائق شرعية سبيل معرفتها سبيل معرفتها وفهمها حق الفهم السير المستمر في طلب العلم والجلوس في حلقاته ابتغاء مرضات الله وابتغاء تبصير النفس بالحق ومن ثم تبصير الغير. Donc le cheikh il dit, et ces réalités de la charia, la voie pour arriver à les connaître et pour les comprendre comme il faut, c'est de suivre, yani, la voie dans la quête de la science et de s'asseoir dans les cours des savants où on enseigne ces sciences. dans le but de chercher l'agrément d'Allah et en cherchant également yani à essayer de comprendre yani la vérité yani ابتغاء تبصير النفس بالحق, donc d'essayer de faire en sorte que ton yani tu vois la vérité et tu la comprennes comme il faut, et que tu également par la suite cherches à essayer de le faire comprendre aux autres ce que tu as appris. Donc ça aussi c'est important. Et il dit, le cheikh il dit, فخير الحسنات وأفضل القربات وأزكى العبادات أن يوفقك الله أيها المسلم لتتبع لتتعلم علما شرعيا تنتفع به ثم تعود به إلى إخوانك المسلمين داعيا ومعلما ومبشرا ومحذرا وناصحا ومجاهدا كما كان إمامك محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكان أيام حياته المباركة غالب مكثه في المسجد يعلم الجاهل ويفتي المستفتي ويعقد أو ألوية الجهاد ويجهز السرايا ويعلم الناس بهذه السنة المجيدة أخذ أصحابه الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. Donc le cheikh il dit, les meilleures bonnes actions que tu peux faire et les meilleures formes de rapprochement et les plus pures formes d'adoration, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala te donne le succès au toi musulman pour que tu apprennes la science de la sharia et pour que tu puisses en profiter. Puis par la suite tu retournes avec cette science vers tes frères musulmans et que tu les appelles et que tu leur enseignes et que tu leur donnes la bonne annonce, hein, tu leur annonces la bonne nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle du paradis, et que tu les mettes en garde contre le châtiment, et que tu leur donnes le bon conseil, et que tu luttes, hein, en tant que mujahid, c'est-à-dire quelqu'un qui lutte dans la vérité et pour la vérité, comme le faisait ton imam, ton chef, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il passait la grande partie de ses journées bénies, durant sa vie bénie, dans la mosquée, à enseigner l'ignorant, à répondre aux questions de ceux qui venaient le questionner sur la religion, et à y préparer et enseigner aux gens comment faire le djihad, comment lutter dans le sentier d'Allah, et comment préparer les troupes et les régiments qui allaient partir au combat, et ainsi de suite, pour défendre le tawhid, pour combattre le shirk, pour anéantir l'idolâtrie sur la terre et établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et écraser les fausses religions. C'est ça c'était ça le travail du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'enseigner aux hommes la vérité. Et il dit, cette sunna majestueuse, c'est cet exemple que les sahaba ont pris. Ils ont pris cet exemple et ce modèle majestueux et ils l'ont pratiqué et appliqué par la suite. Et à la tête de ceux-là, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les successeurs bien guidés, c'est-à-dire les khulafa ar-rashidun. Wa nasihatu Abi Hurayra wa ma nasihatu Abi Hurayra radiyallahu anhu li ahli as-souq fi al-madinati 'an al-adhhan bi ba'id. Faqad ghada ila al-masjid thumma ghada ila as-souq. وكان قد خرج من المسجد وهو زاخر بحلقات العلم والذكر الشرعي والقراءة حلقات كل يرغب نوعا من أنواع العلم ونوعا من أنواع العبادة. وخرج أبو هريرة من عندهم ونادى في أهل السوق: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: ماذا وماذا؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فخرجوا مسرعين إلى المسجد ثم رجعوا فقالوا: ما رأينا شيئا. فقال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقة يتذاكرون فيها الحلال والحرام، وحلقة يقرؤون فيها القرآن وحلقة أو حلقة يذكرون الله تبارك وتعالى فقال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est un exemple que Cheikh il donne, il dit, et يعني, il y a l'exemple d'Abu Huraira n'est pas loin pour vous donner comme exemple, pour vous faire réfléchir à l'importance de la quête de la science. Hein? L'histoire d'Abu Huraira avec les gens du marché, quand il était à Médine, hein? Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est rapporté dans Al-Tabarani, dans Al-Awsat, hein? Et Al-Haythami dans Al-Mujamma, Al-Mujma, avec une isnad qui est bonne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Abu Huraira, il a dit qu'il était rentré dans la mosquée. Et dans la mosquée, il a trouvé yani, des gens qui sont... Yani, quand il était dans la mosquée, il a vu dans la mosquée des gens qui sont en train de faire des cours en cercle. Ils sont assis en train d'étudier l'islam, en train d'apprendre l'islam. Et il a vu des cercles de zikr et des cercles de science, des cercles de récitation. Hein? Et chacun cherche une différente science, une différente partie d'une sorte de science parmi les différentes formes de science islamique. Et différentes formes d'adoration parmi les différentes formes d'adoration. Alors Abu Huraira est sorti de la mosquée, il a vu les gens dans le marché. Alors il a crié aux gens du marché, « Oh, vous les gens du marché, hein? Comme vous êtes, yani, comme vous êtes, yani, c'est pour dire, « Ma aljazakum, yani, comme vous êtes, yani, pas, yani, vous prenez pas, vous faites pas d'efforts pour prendre ce qui est bon pour vous. » Hein? Vous ne faites pas d'efforts pour chercher qu'est-ce qui est bon pour vous. Alors, les gens du marché ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il a répondu à Abu Huraira, il a dit, il y a l'héritage du prophète sallam est en train d'être distribué en ce moment dans la mosquée maintenant. Et vous, vous restez là? Comme si on sait que quand quelqu'un il a un héritage, et que yani, quand il est mort, il laisse un héritage, les gens se précipitent pour faire partie des gens qui vont recevoir une partie de cet héritage. Ils veulent avoir de l'argent. Donc, quand ils ont entendu ça, tout de suite, ils ont couru dans la mosquée pour aller voir qu'est-ce qui est en train d'être distribué comme héritage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils sont ressortis. Ils sont rentrés, ils sont sortis. Ils ont dit à Abu Huraira, « Oh, Abu Huraira, on est rentré, on n'a rien vu de qu'est-ce que tu as dit. On n'a pas vu l'héritage dont tu parles. » Alors Abu Huraira a dit, qu'est-ce que vous avez vu? Dites-moi ce que vous avez vu. Et là ils ont dit, on a vu des cercles, les gens ils sont assis dans la mosquée, et là ils apprennent, hein? Ils apprennent des différentes choses à propos de l'islam, le halal, le haram, les cours sur le Coran, comment réciter le Coran, et également yani, des choses qui ont rapport avec yani, le rappel d'Allah, et ainsi de suite. Alors Abu Huraira, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est ça l'héritage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens ils s'attendaient à avoir de l'argent, de l'or, hein, plein de choses. Non, ils ont trouvé la science, ils ont dit, ah, ça c'est rien, hein? Allah musta'an. Donc c'est ça, même aujourd'hui à notre époque c'est la même chose. Les gens, tu leur dis, yeah mes frères, il y a l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. On est en train de faire des durous, on est en train de faire des cours, venez apprendre. Et les gens sont là, pris dans la dunya et tout et tout. Hein? Alhamdulillah. Mais ça, c'est pas important, comme on dit. Hein? Souvent, dans le sens que celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc celui qui fait les efforts, il aura les fruits. Mais celui qui ne fait pas d'efforts, il n'aura rien. Hein? Il y a des gens, subhanallah, qui sont ici en Amérique ou en Europe ou ailleurs, ils sont loin des ulama. Ils souhaiteraient pouvoir chercher la science. Et ils ne peuvent pas parce qu'ils sont loin des ulama. Tandis qu'il y en a qui sont là-bas directement, à Médine et à la Mecque, qui sont juste à côté des ulama, ils ne vont même pas profiter des durous. Ils ne vont même pas profiter de la science. Donc ça veut dire que quelqu'un va venir de la Chine jusqu'à l'Arabie Saoudite pour apprendre la science de l'islam. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien. Tandis que l'autre qui vit à côté des ulama, parfois tu le vois, il quitte pour aller ailleurs, pour apprendre d'autres choses qui ne sont même pas bénéfiques pour lui peut-être. Hein? Donc ça c'est pour dire, Allah il guide qui il veut, il donne à qui il veut sa grâce. Et en même temps aussi, ça nous fait comprendre que yani celui qui fait du bien, il le fait pour lui-même. Parce qu'au jour de la résurrection, il va voir les résultats de ce qu'il a fait. Hein? Et donc chacun doit faire les efforts pour obtenir ce qu'il veut. Et tu vois des fois même, dans les durus des grands ulama, par exemple parmi les mashayikhs qui sont vivants aujourd'hui, tu vas dans leurs durus, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde. Quand tu vas par exemple des durus de certains mashayikhs salafis, tu vas voir à Médine ou à la Mecque, tu vois leur cours, et certains d'entre eux, il y a très très peu de personnes. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Comme je disais tout à l'heure par rapport au nombre. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne font pas un bon travail? Ils ne sont pas en train de bien enseigner? Ou ils sont pas en train de faire une bonne da'wa? Non. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des prophètes qui vont arriver devant Allah au jour de la résurrection. Ils vont être avec un ou deux personnes seulement, et d'autres qui vont venir tout seuls. Hein? Donc le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent à tes cours, ou qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent, ou qu'il y en a peu, c'est pas ça l'important. L'important, si quelqu'un a pu être guidé par toi, même si c'est juste une personne, ou même qu'il a pris de toi quelque chose de bien, c'est mieux pour toi que le monde entier et tout ce qu'il contient. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, « لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ » Et dans un autre hadith, dans une autre narration, il a dit « خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » C'est-à-dire que si une seule personne était guidée par toi, c'est mieux pour toi que les chameaux rouges. Et dans une autre narration, il a dit que la dunya est tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est ça l'important, la sincérité. Toi, tu le fais pour Allah. Allah, c'est lui qui se charge de guider les hommes. Hein? S'ils viennent, ils viennent. Alhamdulillah. S'ils ne viennent pas, tant pis. Donc, ça, c'est important à comprendre. Et pour terminer, le cheikh, il dit « فَكَلِمَةُ الْإِحْسَانِ يَا أَبْنَاءَنَا يَا إِخْوَانَنَا الْفُضَلَاءَ كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةُ الْقَدْرِ وَاسِعَةُ الْمَعَنِي بِحَيْثُ لَا نَسْتَطِيعُ حَصْرَهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَحَسْبُنَا مَا دَوَّنَّاهُ هُنَا عَلَى سَبِيلِ الْإِخْتِصَارِ ليعلم ويفهم والله أعلم وأحكم وبعباده أرحم. Donc le cheikh dit, vous voyez donc la parole, hein, oh mes frères, oh mes fils, oh mes nobles frères, oh mes nobles fils, vous voyez donc que cette parole de Al-Ihsan, c'est une grande parole, hein, qui a une grande signification, une grande valeur, et qu'elle est remplie de signification. Du fait que tu n'es pas capable de la limiter, hein? Elle est très grande, tu ne peux pas la limiter ou la rassembler dans une seule place. Donc qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur Al-Ihsan? Déjà c'est un résumé, hein? Et ça c'était juste pour donner un exemple pour qu'on puisse comprendre. Wallahu a'lam wa bi'ibadihi arham أحكم وأرحم والله أعلم وأحكم وبعباده أرحم. Donc Allah est plus savant, plus sage et plus miséricordieux envers ses serviteurs. Et ensuite l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné les preuves de Al-Ihsan et il a dit والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui ont la piété et ceux qui sont muhsinoun, c'est-à-dire qui ont al-ihsan, qui font leurs actions avec excellence et perfectionnement. Ça c'est le verset 127 dans surat al-Nahl. Le shaykh il dit « قُلْتُ وَيَكْفِيكُمْ شَرَفًا أَنَّ اللَّهَ مَعَهُمْ » أو يكفيهم شرفا أن الله معهم ومن كان الله معه فإنه لا يضيع ولا يمكن أن ينحرف ولا ولا يخيب ولا يخيب يخيب ولا يخيب في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وإذا أحببت أن يكون الله معك فعليك أن تكون محسنا في أعمالك الظاهرة والباطنة. وقد وعدك الله وعدا كريما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالتقوى قرينة الإحسان وهو شقيقها شيئان متلازمان وركنان عظيمان. Donc le cheikh il dit c'est suffisant comme noblesse pour toi que Allah est avec, de dire que Allah est avec toi. Donc si tu sais qu'Allah est avec toi, ça te suffit comme noblesse. Celui avec qui Allah est, il ne se perd pas. Et ce n'est pas possible pour lui de dévier. Et il ne va pas être déçu, ni dans cette dunya, ni dans le barzakh, après la mort, dans sa tombe, et ni dans l'au-delà, après la résurrection. Et si tu aimerais, ou si tu veux et tu aimes, que Allah soit avec toi, alors sois parmi ceux qui sont muhsinoun, c'est-à-dire qui sont excellents dans leurs actions, qui font preuve d'excellence dans leurs œuvres et qui font leurs œuvres avec perfectionnement dans leurs actions apparentes et cachées, intérieures. Et il dit, Allah a promis une noble promesse, il t'a fait une noble promesse dans le verset 128 dans sourate An-Nahl. Il a dit que Allah est certes avec ceux qui ont la piété et ceux qui font leurs œuvres avec ihsan, c'est-à-dire avec excellence et perfectionnement. Donc la taqwa c'est un allié ou quelque chose qui est relié tout le temps avec la piété. Taqwa et ihsan sont deux frères jumeaux, deux frères, ils sont toujours ensemble. Et donc, c'est deux choses qui sont reliées et qui s'impliquent l'une l'autre. Et ce sont deux grands piliers de la religion. Taqwa Allah, allati tatajalla fi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa mutaba'ati rasulihi alayhi salatu wassalam qawlan wa fi'lan wa amalan zahiran wa batinan wal ihsan fi kulli shay'in min al ibadat al zahira wal batina aqwaliha wa fa'aliha wa amaliha ala al manhaj al sahih. Donc le cheikh il dit al-ihsan, donc premièrement la taqwa, c'est-à-dire la piété, c'est le fait de craindre Allah, de craindre son châtiment, donc tu fais ce qu'il t'ordonne et tu t'écartes de ce qu'il t'interdit, et ça c'est en respectant ses ordres, en s'écartant de ce qu'il a interdit et en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actions apparentes ou cachées. Et il dit al-ihsan, c'est dans toutes les adorations que tu fais apparentes ou intérieures, extérieures, c'est-à-dire physiques ou intérieures, c'est-à-dire avec le cœur, parmi les paroles, les actions que tu fais qui sont faites sur la bonne méthodologie, la bonne voie, hein, et de façon correcte. Et il dit l'autre verset que le cheikh a mentionné comme preuve à propos de al-ihsan, il y a deux autres versets. Le verset 96, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Donc le cheikh il dit ici, et mets ta confiance en le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux, celui qui te voit lorsque tu te lèves et qui voit tes mouvements parmi les prosternés, et il est certes audient et savant et omniscient. Il dit dans le verset 61 dans Surat Yunus, hein, il dit وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِنْ, c'est-à-dire il n'y a pas une chose que tu fais, une action que tu fais, ni une récitation que tu es en train de faire du Coran, ni une action que tu fais parmi les actions que tu fais, excepté que nous sommes témoins de celle-ci lorsque vous êtes en train de le faire. Donc, dans toute action que tu fais, au moment où tu le fais, parmi tes adorations ou autres, Allah, il est en train de t'observer, de te regarder en ce moment-là. Donc là, maintenant, on est en train de faire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous observer. Donc, si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous observer en ce moment, maintenant, il sait et il voit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, et il voit qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs, et ainsi de suite, n'est-ce pas que ça, ça implique qu'on doit faire qu'est-ce qu'on est en train de faire de la meilleure façon, et avec le plus de perfectionnement possible, et le plus de sincérité, et ainsi de suite. Bien sûr que qu'est-ce que ça signifie. Et il mentionne le cheikh l'explication de ces versets-là en résumé, et il dit: هذه الآيات من أبلغ المواعظ والتوجيهات الربانية السديدة لأنه أمر بالتوكل على الله عز وجل ومن توكل على الله كفاه وفيه إعلام لأمة القرآن بأن الله تبارك وتعالى يرى حركاتها وسكناتها وتقلبهم لا تخفى عليه خافية من ذلك. وختم الآية باسمين كريمين يعني أحدهما السميع والثاني العليم وفيهما إثبات صفتين ذاتيتين. الأولى إثبات السمع لله عز وجل الذي يسمع لجميع الخلائق لا يعزب عن سمعه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والثانية إثبات العلم كذلك لأنه قد أحاط بكل شيء علما. صفتان حقيقتان تلقيان أو تليقان عفوا تليقان بعظمة الله وجلاله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh il dit, ces versets sont les versets les plus explicites comme exhortation et comme orientation divine et droite, parce que c'est des ordres qui nous demandent de mettre notre confiance en Allah. Et quiconque met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et il y a dedans également, une annonce pour la Umma du Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala voit leurs gestes et leur repos et les mouvements qu'ils font, et qu'il n'y a rien qui lui échappe de ce qui se produit. Et il termine le verset avec deux de ces noms, As-Sami' et Al-Alim, c'est-à-dire l'audient, celui qui entend tout, et l'omniscient, c'est-à-dire celui qui sait tout. Celui qui sait tout. Et il y a donc en cela l'affirmation de deux attributs de la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de son être, c'est-à-dire lui d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'affirmation de lui d'Allah et l'affirmation de sa science, et l'affirmation de lui d'Allah, c'est-à-dire par laquelle il entend toutes les créatures et que rien n'échappe à son ouïe, même si c'est une atome dans la terre ou dans les cieux. Et la deuxième, c'est l'affirmation de la science, également parce que Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toute chose de sa science. Et donc ce sont deux parmi les attributs qui conviennent à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il soit béni, et ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera la suite du sharh de al-usul al-thalatha avec le cours suivant, dans lequel on va débuter le dernier des trois fondements de l'islam, c'est-à-dire al-aslu al-thalith ma'rifatu nabiyyi bil-adillah, c'est-à-dire le fait de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les preuves. Qui est ton prophète? وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.